figuration dans un film. J'étais acheteur de shit, j'étais acheteur de shit avant d'être fumeur de shit. Mais je ne crois pas en la prédestinée. C'est la télé qui estimait que ça parlait aux jeunes. Les drogues qui finissaient par décimer. Comment aimer ces gens qui ont fourni ma destruction? Comment comprendre ces gens qui sur le temps t'ont rendu plus con? Comment parler de ces gens qui ne parlaient que de bifton? Comment accepter ces gens qui vendent dans la discrétion? Ça vient de Mante, Mante aux gens si je campe. Quand je suis en bande, non, je suis pas de ceux qui flambent. Non, CBD je vais prendre, hein, au CB je vais prendre, hein, livré pour un plan, hein, ça prendra bien moins de temps. Dès l'heure, je suis pas dès l'heure, à l'heure, dealer, dealer, oh, dealer, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, d'arrêter vos conneries. Dès l'heure, je suis pas dès l'heure, à l'heure, dealer, dealer, oh, dealer, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, d'arrêter vos conneries. Dès l'heure, je suis pas dès l'heure, à l'heure, dealer, dealer, oh, dealer, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, d'arrêter vos conneries. T'es le premier à te plaindre de la pauvreté, mais t'es aussi le premier à clipper tous tes billets. T'es le premier à qui la misère te fait sautiller. Danse sur ta propre musique si t'arrives à la faire rythmer. Invite tout le quartier, ça fera genre. T'as des potes, déshumanise-toi pour encore plus pouvoir mettre la carotte. Dans ta musique tu capotes, dans tes clips tu crapotes. Dans ta chambre tu tousses et dans tes toilettes tu pousses. Comme tout le monde, dealer de la mort, c'est tristement vrai. Non, ce n'est pas eux qui vont venir te sevrer. J'attendrai plutôt ma livraison de CBD, car je ne voudrais plus jamais payer pour m'en démonter. Non, aux gens si je campe, quand je suis en bande. Non, je suis pas de ceux qui flambent. Non, CBD je vais prendre, hein, au CB je vais prendre, hein, livré pour un plan, hein, ça prendra bien moins de temps. Dès l'heure, je suis pas dès l'heure, à l'heure, dealer, dealer, oh, dealer, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, d'arrêter vos conneries. Dès l'heure, je suis pas dès l'heure, à l'heure, dealer, dealer, oh, dealer, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, d'arrêter vos conneries. Dès l'heure, je suis pas dès l'heure, à l'heure, dealer, dealer, oh, dealer, c'est l'heure, c'est l'heure.